Foge do mirosa até te fugir. Casca pra lá testa. Galera, sei lá. Monique só de Flix. Ali farto, farro. É na PS. Vai. Kiku. Vai lá, Drix. O que é? Isso. Tout le monde voulait me signer, mais je suis resté en ND. L'industrie, je vais la saigner tout en restant dans le secteur. J'ai eu mal au cœur quand tu m'as dit je reste pas longtemps. J'étais en GAV hier, j'avais trop le boucan. Petit, fais pas le con, va à l'école, laisse tomber le béton. C'est la mort ou la prison. Le poteau accélère, s'en va, il gère le volant. Ils m'ont mis trop les nerfs, dès qu'il y a la douane volante. Faut faire un plan. Là je vais un plan, normal sous plan, Campbell, j'ai que des blancs. J'étais recherché, ouais j'étais même pas au courant. T'es au quartier, tu veux t'en sortir, bon courage. Et à la zone, tout le temps ils coupent le courant. Andec le cous, y'a les civils dans le tourant. J'étais recherché, ouais j'étais même pas au courant. T'es au quartier, tu veux t'en sortir, bon courage. Et à la zone, tout le temps ils coupent le courant. Avec le cruiser, les civils dans le tourant. J'ai la baie dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. J'sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque, c'est quand qu'il sort. Ok, je me cale, toujours au fond du cas. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y, la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande. Je fais un mélange, je fais deux mélanges, puis trois mélanges, là le push, je suis bien rabat. J'étais recherché, ouais j'étais même pas au courant. T'es au quartier, tu veux t'en sortir, bon courage. Et à la zone, tout le temps ils coupent le courant. Avec le cous, y'a les civils dans le tourant. J'étais recherché, ouais j'étais même pas au courant. T'es au quartier, tu veux t'en sortir, bon courage. Et à la zone, tout le temps ils coupent le courant. Avec le cous, y'a les civils dans le tourant. Mettre un pied devant l'autre, on sait que les anginotes. Les grands frères nous l'ont dit, je suis des nuits blanches à lundi. Ce soir je suis bien robot, j'ai trouvé une mélodie. Vas-y jette-moi, je suis un pote, au pire des cas j'appelle un taxi. Je suis bien dans ma galaxie, le frère ils l'ont relaxé. Fais passer la fuite à l'oxy, TSS ont fermé l'accès. Rechercher, rechercher, rechercher, rechercher. J'suis perché, rechercher. J'étais recherché, ouais j'étais même pas au courant. T'es au quartier, tu veux t'en sortir, bon courage. Et à la zone, tout le temps ils coupent le courant. Avec le cous, y'a les civils dans le tourant. Avec le cous, y'a les civils dans le courant. Avec le cous, y'a les civils dans le courant. Avec le cous, y'a les civils dans le courant.